oui, mais tout me ramène à toi. Tu m'as fait voir le pire, mais je ne vis pas mieux sans toi. Je veux tellement te fuir, je veux savoir sourire sans toi. Non. Dis-moi comment te résister, dis-le-moi. Dis-moi comment. Rien n'est aussi puissant qu'une douleur qui ne veut pas s'estomper. J'ai encore mal et aucune de mes plaies ne veut cicatriser. Dis-moi comment.